Sur Teddy, où il a été filmé pendant 3 ans, ben forcément on a beaucoup d'informations qu'on n'avait pas. C'est un peu flippant de savoir qu'il a beaucoup été épié par ses adversaires. En fait, on avait le sentiment qu'ils étaient en train de préparer la personne qui fera tomber Teddy. Donc j'ai peur, mais pour moi Teddy, ben c'est le plus grand. C'est tellement important lorsqu'on est porte-drapeau de continuer à montrer l'exemple, à être celui qui, voilà, parce que pour moi dans ma tête, porte-drapeau est égal à champion olympique. Moi, j'ai envie que Teddy, mon petit Guadeloupéen, mon grand Guadeloupéen, quelque part, j'ai l'impression que je prends sa place et je voudrais que ce soit terminé et voilà, qu'on ait fait youpi, bravo et ouf, c'est fini. Il doit être vraiment impatient que ce soit terminé. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je le vivais, quoi. On se prépare pendant des années. On a vraiment envie que les heures défilent vite et qu'on sache vraiment, où est-ce qu'on en est, quoi. Je suis persuadée que, en fait, qu'il le vit comme ça. Lorsqu'on est favori, lorsqu'on est attendu, ben, on a envie que les choses aillent vite. Bon, alors, Teddy, écoute, moi, j'ai peur, hein. J'ai vraiment peur, mais je sais que tu vas gagner. On t'attend pour la grande fiesta, une fête antillaise brésilienne, quoi. Et on espère qu'on sera invité à cette fête Marie-Josée Pérec avec Jean-Michel Rascol. Pas, vous êtes là lundi, hein, donc on va faire attention. On fait le point sur le tableau des médailles, Olivia. La France est 11e avec 2 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 5 en bronze grâce aux 5 médailles de la 6e journée, c'était hier. En bronze, l'aviron, le judo, le cyclisme sur piste et le kayak. En argent, le judo. Retour de la Ligue 1 de football ce soir, à suivre dans Soir de Ligue 1 sur RTL. Bastia, PSG et Monaco-Guingamp à partir de 20h en direct avec Eric Silvestro et toute son équipe. Et puis, si vous prenez la route aujourd'hui, circulation difficile près de la Méditerranée. Bison futé hisse son drapeau orange, sévère partout ailleurs. Les courses? Elles ont lieu à Cabourg en nocturne. Les pronostics de Bernard Glace, le 8, le 6, le 5, le 4, le 9, le 15, le 13 et le 11. La dernière minute de Bernard, c'est le 13, Vramdao, et c'est pas un jour de foot. Merci beaucoup Olivia Leray, belle journée à vous, belle journée à tous qui nous écoutez. On va se balader avec Laurent Deutsch dans quelques secondes. Il est 9h11. Il rentre dans la surface et c'est le but! Avec la Total Sport à 35€ par mois pendant un an, le sport ne s'arrête jamais. Vivez les plus grandes compétitions sur les plus grandes chaînes. Retrouvez 100% de la Ligue 1 et de la Champions League sur Canal+ et beIN Sport, l'intégralité du Top 14 sur Canal+ et Canal+ Sport et les plus grands tournois de tennis sur Eurosport et beIN Sport. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal+, à CanalSat 100% Sport et à beIN Sport. Kiabi colore la vie. C'est bientôt la rentrée et pour habiller vos enfants sans casser votre tirelire, allez chez Kiabi et profitez de l'offre dingue de la rentrée. Moins 50% sur le deuxième jean au choix, fille ou garçon, du 2 ou 12 ans. Le deuxième jean à moins 50%, franchement, cette offre, elle décoiffe! Du 10 au 28 août, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Au fil des rues. Avec Laurent Deutsch sur RTL. Tous les matins, nous redécouvrons Paris, son histoire, grâce à ses rues. Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Jérôme. Au fil des rues, ce matin, nous allons rue de Richelieu. Ouais, je vous emmène ce matin au cœur de la capitale, dans le premier et dans le deuxième arrondissement de Paris, pour vous parler de Richelieu. Alors figurez-vous que Richelieu est un des premiers personnages de notre histoire qui a eu le privilège de recevoir, de son vivant, le nom d'une rue, la rue de Richelieu, en 1634. Bah oui, mais c'était pas n'importe qui, quand même. Ah non, bah évidemment, ça a été un très grand homme d'État, mais ça a aussi été un très grand homme d'affaires. Il s'est énormément enrichi grâce à ses fonctions et grâce aux privilèges qui en découlaient. Et on en a un bel exemple de cet enrichissement ici, dans le quartier du Palais Royal. Je vais vous raconter pourquoi. Alors pourquoi rue Richelieu? Eh bien parce que le cardinal habitait dans le coin. Mmh. Il s'est acheté un hôtel, rue Saint-Honoré, qui était l'hôtel de Rambouillet, et qui bordait alors les limites de Paris. On est en 1624 et Paris est encore limité par l'enceinte dite de Charles V. Mais Richelieu sait que Paris va bientôt être agrandi par une nouvelle enceinte, l'enceinte des Fossés Jaunes, qui passera plus au nord au niveau des grands boulevards. Bref, il sait d'avance que les terrains extérieurs à l'enceinte vont être ensuite intérieurs à l'enceinte et il achète donc pour une bouchée de pain ces terrains qui vont être les jardins magnifiques de son palais intramuros, ce sera notre palais royal. Moralement, c'est limite ça, il sait que ça va prendre de la valeur, c'est du délit d'initié. Hein. Caractérisé. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, ces jardins magnifiques et ce palais royal, on peut tous en profiter, hein, puisque ce sont les jardins du palais royal qui sont accessibles gratuitement, donc c'est pas si mal. Et il y a encore des vestiges du palais de Richelieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est occupé par le ministère de la Culture, le Conseil constitutionnel, donc on se perd un peu dans les époques. l'époque, mais il y a encore des vestiges 17e. C'est la galerie des proues du ministère. On y voit des macarons, vous savez, qui représentent des proues de bateaux, des ancres marines, et ça nous rappelle que le cardinal Richelieu était aussi ministre de la marine à l'époque de Louis XIII. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Que vous nous raconterez une prochaine fois sans doute. Merci beaucoup Laurent Deutsch. Merci à toi Jérôme. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. Bon, 9h14, autant hier on est en retard, là je crois qu'on est un peu en avance. Là on est un peu en avance, ouais. Donc soit on meuble pendant une minute, soit... Soit ils nous sont. Non, on va leur dire bonjour. Bonjour Jean-Claude Guillon et Caroline Diamant. Bonjour Jérôme, bonjour Peggy. Bonjour. Ça tombe bien que vous soyez en avance aujourd'hui, puisque nous avons une petite surprise pour vous. Oui, Carmina Burana. Nous avons décidé de vous faire participer au grand quiz de l'été, cher Jérôme, cher Peggy. Vous allez avoir une minute. Une minute pour répondre aux questions que je vais vous poser. Ah non, j'aime pas ça. Et nous allons voir, à l'issue de cette minute, le nombre de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez le droit de jouer en duo. Waouh. D'accord. Concentration, Jérôme. Hervé, derrière la vitre, aide-nous. Ouais. Top chrono, c'est parti. Quel animal fait la roue pour séduire les femelles de son espèce? Très bien. De quelle région le camembert est-il originaire? La Normandie. Qui a emporté la finale messieurs de Roland-Garros cette année? Oups. D'accord, même à travers la fenêtre, on passe. À qui doit-on la version française des recettes pompettes sur YouTube? Comment il s'appelle? La première était avec Stéphane Bern. On passe. Au cours de quel mois fête-t-on la Saint-Valentin? Février. Dans quel département se trouve la ville de Grenoble? L'Isère. Avec qui Renaud chantait-il Manhattan? Axel Red. Qui est l'auteur du roman Le Seigneur des Anneaux? Tolkien. Quelle lettre grecque désigne la valeur approximative de 3,14? Pi. De quel arbre tire-t-on l'essence de térébenthine? Oups. Ouf. On passe. Quel acteur bichonne sa Ford dans le film Grand Torino? Ah, oui, Clint Eastwood, au c'est poker, ça. Au poker, quel est le nom de la combinaison ayant trois cartes de même valeur? Breland, non. Quelle est la nationalité de Vandamme? Belge. Hey c'était Djokovic, hey non, le vainqueur oui cette année. Exactement, c'est trop tard. Hey, ouais. Vous savez quoi? 10 bonnes réponses. Non, mais non. Ça s'applaudit. On s'est tiré à plusieurs. Non, non, mais par contre, attendez, vous cuisinez vos auditeurs comme ça tous les jours, c'est oui dur. Ouais. Ah oui. C'est dur, hein, finalement. Parce que quand on est derrière le poste et qu'on écoute, on se dit, ah, mais quand même. Et quand on joue, Et bien, c'était pour vous le prouver. Ouais. Et le grand silence après Grenoble, c'est un peu la honte. Oui, c'est clair. Bon, Jérôme Peggy, on vous souhaite un excellent week-end. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir lundi. Ben oui. Bon week-end, c'était très sympa. Oui, enfin, je sais pas. Ah, si, moi j'ai aimé. Bonne émission. Salut. Merci, bonne journée. Bon week-end à vous. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Géant. Ce sont les jours imbattables chez Géant. Dernier jour pour profiter de 50% de remise en bon d'achat sur les enceintes Bluetooth Right, Party Rock, XXL, noire ou blanche à 59€. Soit un bon d'achat de 29,50€. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable du 13 au 21 août, voire produits signalés en magasin, dans la limite des stocks. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bienvenue sur RTL, c'est vendredi, nous sommes le 12 août, nous sommes en pleine forme. Et quand je dis nous, c'est l'association de toute l'équipe qui fait chaque matin le grand quiz de l'été, à la tête de laquelle nous retrouvons Caroline Diamant. Bonjour. Quel déhanché, Caroline. Un déhanché assis. Je vous trouve magnifique ce matin. Vous êtes ravissante tous les jours. Mais là, petit look d'assistante de direction. Oui, j'avais envie d'un petit peu de sérieux dans mon look physique. Maintenant que je sais que nos écrans et webcams nous diffusent dans toute la maison. Au bout de 5 à 6 semaines, j'ai enfin compris le principe. Je suis rapide. Oui, car maintenant la radio s'écoute et se regarde via rtl.fr. Et puis la radio se joue. Et comme chaque matin, jusqu'à 11h, nous allons apprendre en nous amusant. Nous allons rire à vos côtés et je vous invite à venir nous rejoindre dès maintenant en appelant le 3210 ou bien en envoyant RTL au 74 900. Pourquoi? Bah pour jouer, je vous le disais. Et puis pour gagner, qui des chèques de 1000 euros, qui des séjours à Disneyland Paris. Vous vous irez passer deux jours de rêve avec toutes les entrées illimitées pour les deux parcs, Disneyland Paris et Walt Disney Studios. On vous logera à l'hôtel Sequoia Lodge, vos déjeuners seront offerts et vous découvrirez le nouveau spectacle Mickey le Magicien, mais vous chanterez avec celle que vous entendez, avec tous les héros de la Reine des Neiges, et la fête sera complètement givrée. J'aime bien Olaf, moi. Voilà, oui, je prends position, j'aime bien Olaf. Ah oui, oui, vous prenez des positions très marquées. Bien sûr, bien sûr. Bon, et moi j'ai envie qu'on continue et qu'on commence cette émission en jouant avec Karine. Karine qui a envoyé un SMS, qui est à Cholet. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Que faites-vous dans la vie à Cholet, Karine? Alors, je suis enseignante, je suis professeure de mathématiques. Bientôt la rentrée, enfin bientôt la rentrée. Voilà, on commence à préparer un peu. Dans une quinzaine de jours. À quel moment, puisque on parle souvent du stress des élèves quand ils font leur rentrée scolaire, en se disant j'espère que je ne vais pas avoir un tel ou un tel en tant que prof. Oui, à quel moment, vous, en tant que prof, vous avez la liste des élèves et vous vous dites j'espère que je ne vais pas me retrouver avec un tel ou un tel comme élève? Oh, quand on les voit dans nos classes, mais bon, en général, bien, quand même, il n'y a pas de souci. Vous êtes sur quelle catégorie de classe Alors, j'ai des collégiens. D'accord, très bien. Donc, 6e, 5e, 4e. Voilà, c'est ça. 6e, 5e et 3e. Prof de maths sympa ou pas? Oh ben j'espère, hein. Ça faudrait interroger les élèves, si je peux voilà, me permettre. Voilà, c'est ça. Vous donner des coordonnées. Moi, je sais que mes profs de maths, moi, c'est... Moi, quand ils rentrent en cours, mais comment vous dire, j'étais dans un stress permanent. C'est vrai, moi j'ai eu des gens très sympas dans l'ensemble. Ouais, à part un qui voulait nous expliquer le trou noir et c'était un peu, comment vous dire, un petit peu au-delà de notre niveau. Karine, vous vous êtes mariée il y a combien de temps? Il y a 15 ans. D'accord. On se replonge dans la chanson de votre mariage? Ah oui, oui, bien sûr. Avec mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson de Charles Aznavour. Ah oui, oui, oui, très belle. Vous n'insultez pas mon Francis Cabrel. Francis Cabrel, je t'aime, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Moi, j'aime présenter ce jeu. J'aimais le présenter en début d'été et j'aimerais que vous puissiez gagner maintenant 1000 euros cash, Karine, et peut-être un séjour. Caroline vous pose moi les questions. Aussi. Vous avez une d'accord minute. Je ne sais pas s'il y aura des questions d'ordre mathématique. Nous allons j'espère le découvrir maintenant. Que je ne pas. Peut-être qu'il y aura du Pythagore, du théorème de Thalès. Je ne sais pas. Voilà. On va voir. Vous êtes prête, Karine? Oui, oui, tout à fait. Top chrono, c'est parti. Quel symbole figure sur le panneau annonçant un hôtel? H. Comment se prénomme la femme de Bobby dans Dallas? Je passe. En 1983, dans quel clip Michael Jackson se transforme-t-il en mort-vivant? Thriller. Quel héros de bande dessinée est le voisin de Monsieur le Funeste? Je passe. Dans le conte de Perrault, outre un petit pot de beurre, que contient le panier du petit chaperon rouge? Une galette. Quel numéro porte le département du Rhône? Je passe. Quel fruit fait la réputation de Moissac? Je passe. Quel animal représentait Raymond Barre dans le Bébête Show? Je passe. Qui a écrit la pièce Le mariage de Figaro? Marivaux. De quelle comédie musicale fait partie la chanson Les Rois du Monde? Roméo et Juliette. Quel sens est perdu quand quelqu'un est frappé d'agueusie? Je passe. Et on va s'arrêter là. Oh là là. C'est pas facile hein, quand on se retrouve non, de ce côté-ci. Non, j'ai même le questionnaire hein d'avant. Oui, c'est vrai que dans le questionnaire qu'on a fait avec Jérôme et Peggy tout oui, à l'heure, il y avait Pi 314-116. Voilà, exactement. C'est sympathique. Bon, Karine, on revient sur vos réponses si vous le voulez. D'accord. Bien. Quel oui, symbole figure sur le panneau annonçant un hôtel? Vous avez dit le H. J'attendais un lit, mais c'est vrai que on peut trouver les ah deux. Ah oui, un symbole, oui, d'accord. Donc, on vous donne ce point avec chouette grand plaisir. Merci. Série culte des années 80. Comment oui se prénomme la femme de Bobby Ewing dans la série Dallas? Dallas. Alors, Dallas, il y avait JR. Ouais. Il y avait sa femme Souhaine. Je te promets que je vais commencer à essayer d'arrêter de boire. Ça, c'était Souhaine. Il y avait Bobby, il était sympa, Bobby. Mais à chaque fois, il lui arrivait des crasses. Moi, je peux vous dire, j'ai été chonchon. J'avais 12 ans, j'étais devant la télé avec ma mère. On disait, ils vont lui foutre la paix à ce pauvre Bobby. Déjà, le reste du temps, il fait l'homme de l'Atlantide. Il nage, il tient les puits de pétrole. Il peut pas être partout, le gars. Et sa femme, c'était Pamela. Pamela, oui, c'est vrai. Et c'est là où on voyait tous les gens qui apparaissaient sur le générique. Oui, oui. Avec la blonde qui s'appelait Lucie. Je crois que son vrai nom, c'était Charlene Tilton, mais ça se... Oui. Eh bien, c'est un peu grâce à elle que je me suis dit que c'était bien, les filles. Oui, oui, ah oh bah oui. 227 de tour de poitrine. 12. 12 de cuir, tout ce que vous aimez. En 1983, pas vrai du tout. Je schématise. Dans quel clip Michael Jackson se transforme-t-il en mort-vivant? Bien sûr, c'était Thriller. Avec la voix de Vincent Price. Et alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la fin de la chanson, c'est le patron d'RTL qui a été enregistré. Je me souviens très bien de cette scène. On est rentré dans son bureau avec Caroline. On a dit, excusez-moi, ce serait possible d'avoir peut-être, parce qu'on a quand même bien travaillé cet été, une petite augmentation. Et sa réponse, ça a été ça. Voilà, et ça a été pris, ça a été mis à la fin du disque. On s'en souvient tous très bien. Quel héros de bande dessinée est le voisin de Monsieur le Funeste? C'est Achille Talon. Le département du Rhône, c'est le 69. Moissac est connu pour son raisin, le bébé de chaud. Et voici le bébé de chaud pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos craques. Ils sont tous dans le bébé de chaud. Ils sont tous dans le bébé de chaud. C'était la voix de fin, c'était celle de Raymond Barre et c'était un ours. Marivaux n'a pas écrit la pièce Le mariage de Figaro. C'est votre collègue prof de français qui aurait pu vous souffler la réponse. Exactement. C'était Beaumarchais. Oui, les rois du monde, cet extrait de la comédie musicale Roméo et Juliette. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue. D'ailleurs, pour la petite histoire, Damien Sargue, qui joue le rôle de Roméo, qui est un camarade que j'embrasse, sera à l'affiche là, à la rentrée d'une nouvelle comédie musicale, Les Trois Mousquetaires. Absolument. Ça veut dire qu'il n'est pas mort comme dans la pièce de film, je ne comprends rien. Et Damien Sargue, que j'embrasse aussi. Eh bien, nous l'embrassons tous. Et les autres mousquetaires, il n'y a pas de raison. Bon, Karine, avant de vous embrasser, je vais quand même vous donner le nombre de vos bonnes réponses. Vous en avez 4. C'est exceptionnel. Hein. Oui, mais ça peut suffire. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On a déjà vu rejaillir le feu de l'ancien volcan. Vous croyez trop vieux. C'est pas mal ça, je vais l'écrire, ça pourrait faire des paroles de chanson. Ah oui. Ça pourrait faire une bonne chanson. Karine, montre RTL pour vous. Ah ben, je suis ravie. Et puis peut-être un séjour, mais ça on le verra juste avant 10h du matin. On vous embrasse. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse aussi. Plein de bisous, bonne rentrée. Vous pensez faire mieux que Karine? Eh ben, vous appelez maintenant le 3210 et vous jouez au grand quiz de l'été. Où ça? Oui, merci patron. Sur RTL. Je vais faire les courses. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un bon rafraîchissement. Je parlais pas de la boisson? Moi non plus. Fondé pour la fraîcheur incomparable d'un bon carpaccio de bœuf délicatement assaisonné. Carpaccio de Charal, une autre idée de la fraîcheur. Charal! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tu sais qui vient de gagner le 100 mètres aux Jeux Olympiques? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. Si le pastis Duval pouvait parler. Mais non, il chanterait. Voilà l'été, pastis Duval, voilà l'été. Pastis Duval, voilà Pastis Duval, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl là. Qui quoi encore? T'as pas la pêche? Bah c'est ça, par contre ici ils ont la nectarine hein. Je dois rigoler peut-être là. Non, mais quand aujourd'hui et demain ils nous font le kilo de nectarine en vrac origine France à 1,79€, le moral en prend un coup patron. 1,79€ le kilo de nectarine française, pour le coup ça vaut le coup. Voilà patron, hein. Si vous faites de la pub pour Lidl alors là on est mal hein. Ah, on est très mal je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine France, catégorie 1, calibre 67-73, chair blanche ou jaune selon magasin, vendu en vrac. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Trois possibilités pour venir jouer avec nous ici en direct sur RTL au grand quiz de l'été. Vous appelez le 3210, vous envoyez RTL par SMS au 74 900. On fera également un petit défi selfie ce matin avec le hashtag RTL Quiz. Mais pour l'instant, je sais que vous l'adorez et cela vous fait un point commun avec nous ici dans ce studio, Jean-Jacques Goldman. Qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça, faire un nouvel album, Jean-Jacques ?

Calogero, sans aucun doute, un des meilleurs chanteurs et un des meilleurs écrivains de chansons actuelles en France. Tiens, d'ailleurs, Orlan, est-ce que vous l'avez connu à ses tout débuts, Calogero ? Je dis ça parce que... Exactement. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à l'époque où on avait quasiment 16 ans tous les deux. Il chantait ça. Beaucoup de cheveux à l'époque. Et à une sacrée crinière. Oui, c'est vrai. Bon, Orlan, ça c'était pour vous mettre un peu en détente, un peu à l'aise. Je vous pose des questions pendant une minute. À vous d'essayer d'avoir un minima 4 réponses, 4 bonnes réponses pour faire aussi bien que notre première candidate. Si vous avez plus de 4 bonnes réponses, évidemment c'est mieux. Et si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, c'est 1000 euros. Ok. Ok, Orlan ? Ok. Top chrono, c'est parti. De quel Java Michel Sardou a-t-il fait un tube en 1977 ? Broadway. Quel nom porte le renne au Canada ? Le caribou. Quel nul présentait la météo dans le JTN sur Canal+ ? Farrugia. Qu'est-ce qu'un zippo ? Un briquet. Dans un album de Tintin, pour quelle destination est le vol 714 ? Rio. Quel est l'autre nom du bouillon de viande ? Bouillon de poule. Le titre de la série télé, contre quelle créature se bat Buffy ? Vampire. En 2005, qui joue l'époux de Valérie Lemercier dans Palais Royal ? Lambert Wilson. Combien de figurines de footballeurs y a-t-il au total sur un baby-foot ? 22. Traditionnellement, à quel parfum est la glace dans une poire Belle Hélène ? Vanille. Quel organe du corps humain a des oreillettes et des ventricules ? Le cœur. Eh ben Orlan, je vous sens plutôt pas mal. Et j'ai l'impression que vous vous sentez pas mal aussi, Orlan. Oui, carrément. Eh ben vous savez quoi, tout le monde se sent bien. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est aussi pour ça qu'on est ici dans le grand quiz de l'été. Avec Caroline, bon. On revient sur vos réponses. Okay. La Java de Broadway, tube de Michel Sardou. Vous avez la bonne réponse, mais on va pas se priver du plaisir de l'écouter. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est à coup de balai, à grand coup d'arrosoir. Le caribou était une bonne réponse, je ne sais pas Bruno, vous savez faire le bruit du caribou ? Non, pas du tout. Bon ben moi non plus, alors on passe à la suivante. un extrait de Dominique Farrugia, qui est effectivement le monsieur météo du JTN sur Canal. Vous l'attendez tous, rire en cascade, gags à gogo, de l'humour avec les facéties de Dominique Farrugia. Bonsoir, une météo très particulière ce soir en effet, puisque le temps est clair et dégagé sur la France. Et grâce à ça, j'ai pu prendre des photos imprenables d'Alain Chabat cet après-midi en train de... Merci Dominique. Dominique Farrugia que j'embrasse et qui met aujourd'hui le clap de fin à ce film qu'il est en train de réaliser avec Louise Bourgoin, avec Gilles Lelouch, Manu Payet, qui s'appelle Sous le même toit. C'est le dernier jour de tournage aujourd'hui et je l'embrasse tendrement. Eh bien je l'embrasse avec vous parce que j'ai suivi ça sur Twitter également. L'album de Tintin, la destination du vol 714. Ce n'est pas Rio, c'est Sydney, pas tout à fait dans la même direction, même si je ne suis pas très bonne en géographie. Oui. Alors, le bouillon de viande, ce n'est pas du bouillon de poule. L'autre nom, c'est un consommé. J'ai pas de musique de consommé à vous faire écouter, mais c'eût été avec plaisir. En revanche, vous avez raison, Buffy se bat contre les vampires. Générique. Et dans Palais Royal, vous avez failli dire Christophe Lambert, tout le temps les gens les confondent, c'est vrai que leur nom, et vous avez atterri sur le Lambert Wilson qui joue bien l'époux de Valérie Lemercier. Vous avez enchaîné ensuite des bonnes réponses, et vous avez atteint, 9 bonnes réponses. Oh là là, super. Ouais, 9 bonnes réponses, j'avoue que c'est pas mal, Orlan. Ouais, super. Est-ce que ce sera suffisant pour vous envoyer à Disneyland Paris ? Réponse tout à l'heure, si d'aventure vous deviez partir, Orlan, vous avez 3 personnes pour vous accompagner ou pas ? Ah oui, mon mari, mes enfants. Eh ben voyez, ça tombe très bien. Bon, peut-être ne les prévenez pas maintenant. Non. Et on les préviendra ensemble tout à l'heure avant 10h si c'est gagné, d'accord ?

Vous êtes un homme et vous souffrez de fuites urinaires? Les laboratoires Coloplast ont créé spécialement pour vous la solution Convine, discrète et confortable. Essayez-la en appelant le 3620 et dites fuites urinaires. De jour comme de nuit, sentez-vous en sécurité. Demandez votre échantillon gratuit en appelant le 3620 et dites fuites urinaires. Prix d'un appel local et services gratuits. Dispositif médical. Pour plus d'informations, consultez la notice et demandez conseil à votre médecin. Pour poser la clôture de leur nouvelle maison, Audrey et Arnaud ont eu deux idées. Profitez du mois d'août pour le faire et bénéficiez des promos Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 10 au 21 août, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15 euros par tranche de 100 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15 euros par tranche de 100 euros, magasin participant sur bricomarché.com. Bon, alors voyons cette pub SO à enregistrer. Quoi? On peut gagner le nouveau Porsche 718 Boxster juste en faisant le plein? Bah oui Nico, c'est SO quoi. Non mais c'est dingue non? Bon écoute, on est pressé là. Ok. Faites le plein dans votre station SO participante et gagnez peut-être le nouveau Porsche 718 Boxster et plein de cadeaux Porsche. Conservez votre reçu et rendez-vous sur carburant.so.fr. Ça va? Ça marche? Oui, ça roule même. Jeu avec obligation d'achat du 17 juin au 31 août 2016. Toutes les modalités sur carburant.so.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. SO. Oud, gère tout dans la maison. Un professionnel qui assure la garde de votre bébé. Quelqu'un de confiance formé à l'éveil des enfants et aux gestes de premier secours, c'est très précieux. Ces experts dont les métiers ne s'improvisent pas existent près de chez vous. Avec O2, choisissez le meilleur pour vos enfants. Renseignez-vous sur O2.fr. Et moi je vois la vie en mieux, O2. RTL, le grand quiz de l'été. Grand quiz de l'été, le 32-10 pour jouer avec nous en direct sur l'antenne d'RTL, pour venir rejoindre ici Caroline en studio. Oui, parce que les gens vous aiment, Caroline, et je le lis sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook notamment du grand quiz de l'été, page Facebook dont nous allons nous servir avant 11h du matin, ainsi que des réseaux sociaux, puisque avec le hashtag RTL Quiz, nous allons dans 10 minutes lancer un défi selfie. Absolument. Mais pour l'instant, nous accueillons Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Sébastien, bienvenue sur RTL. Merci. Vous Merci. Habitez à Lens. C'est ça. Oui. Alors ça me fait rire parce que au standard, on vous demande votre ville et après on met à côté d'où cela se trouve. Et là, il y a donc marqué à Lens, à côté de Lille. Voilà, les gens du Lille, standard, ouais. Réveillez la rivalité entre les Lillois et les Lensois au football, ça n'est pas très sain, faites attention. Ouais. Sébastien, oui. D'ailleurs, vous n'êtes pas très fan de foot, je vois que vous êtes fan de judo. Ouais, exact. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Teddy. Ouais, exactement. Exactement, Teddy aujourd'hui, attention. Ouais. La France entière derrière notre Teddy Riner national. Et ouais, bah j'espère qu'il y aura au moins une médaille d'or. Ah, oh, c'est évident, bah, oui. Au moins. Teddy Riner l'a dit sur l'antenne d'RTL, c'est pour lui l'or ou rien. Ah oui. Ouais. Mais déjà, il a la mentalité excellente du vrai gagnant. Réponse dans la journée, en tout cas. Fan de Renault, fan également d'Adèle. C'est vrai qu'ils ont des voix un peu identiques. Adèle et Renaud. Bien sûr. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est vrai que ça ressemble. Bon, Sébastien, une minute de questions, c'est Caroline qui vous les pose. Record d'accord. À égaler, voire à battre pour cette première heure. C'est 9 bonnes réponses. Êtes-vous prêt? Oh là là. Sébastien, top chrono, c'est parti. En 76, dans quel film un boxeur lance-t-il un cri d'amour à Adrienne? Rocky. Que mangez-vous si vous dégustez du morbier? Du fromage. Quel nom porte la masse de fer sur laquelle on forge les métaux? Je passe. Quel terme anglais désigne une personne qui reçoit les paris sur les courses de chevaux? Un bookmaker. Comment s'appelle la gare principale de Bordeaux? Je passe. Quel nom porte la sécrétion grasse produite par certaines glandes de la peau? Le sébum. À quel chanteur de soul doit-on le titre Sitting on the Dock of the Bay en 1968? Otis Redding. Au baccalauréat, quelle moyenne assure la mention bien? 14. Dans la saga des films Star Wars, comment s'appelle la bête poilue amie de Han Solo? Chewbacca. Sous quel pseudonyme Annie Chancel est-elle plus connue? Tchela. Quelle sonnerie de trompe annonce que le cerf est le aux clairon. Abois? Vous avez dit quoi? Clairon. Le clairon. Waouh! J'ai l'impression qu'on est pas mal, Sébastien. Ouais, je sais pas, j'ai pas compté. Eh ben écoutez, moi j'ai compté.

Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Grande colonne. Temple romain. Dressing extensible. Grand rangement. Largeur personnalisable. Prix optimisé. 69,90€. La qualité, le prix. Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Dressing avec rideau composé d'une colonne, de quatre étagères, d'un tiroir et d'un espace penderie à seulement 69,90€. Arrivage en quantité limitée à partir du vendredi 12 août dès 7h. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Ouverture exceptionnelle le lundi 15 août dès 8h, hors dépôt Alsace-Moselle. Leader Price. C'est bien joli d'avoir un nouveau congélateur. Dommage qu'il soit vide. Plus pour longtemps. Super Leader est là avec ses choix malins. Et en ce moment, chez Leader Price, pour tout achat au rayon surgelé, on vous offre 30% en bon de réduction. Allez vite, profitez de notre offre complètement givrée. Merci Super Leader. Du 12 au 15 août dans votre magasin Leader Price, pour tout achat effectué dans le rayon surgelé, 30% offert en bon de réduction à valoir sur vos prochaines courses. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Voir modalités et liste des magasins participants sur leaderprice.fr. RTL, le grand coup. Le grand quiz de l'été. Il y a 5 minutes, Sébastien a répondu à nos questions en direct sur RTL. Sébastien, la question que tout le monde se pose, et vous surtout, c'est combien de bonnes réponses avez-vous ? Questionnaire que vous avez bien commencé sur cette bonne réponse. En 1976, dans quel film un boxeur lance-t-il un cri d'amour à Adriane ? J'ai gagné ! C'était Rocky. Pierre. L'enclume, vous avez passé, c'est cette masse de fer sur laquelle on forge les métaux. La gare Saint-Jean, c'est la gare de Bordeaux. Et vous avez également échoué sur la sonnerie de trompe qui annonce que le cerf est aux abois, c'est l'Alali. Il vous faut l'Alali. Il vous faut 9 bonnes réponses. Sébastien ? Oui. Au cumul, hélas. Vous n'en avez cumulé que 8. Ah là là là là. Nous vous envoyons une montre RTL et vu que Orlan est toujours à l'antenne, Orlan, je peux vous le dire, vous partez à Disneyland Paris. Super. Félicitations, vous allez enchaîner après la cuisine. Oh, merci. Super. Orlan, vous partez en famille, vous l'avez dit, les enfants, le mari, vous serez nourris et logés, bien entendu, à l'hôtel Sequoia Lodge. Vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey le Magicien et chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. Oh, super, merci Bruno, merci Caroline. On vous en prie, nous sommes ravis pour vous. Orlan, Sébastien, super. Nous vous embrassons, passez une belle journée sur RTL. Merci, gros bisous Bruno, bisous Caroline. Bisous. Vous voulez jouer avec nous ? Vous pouvez le faire dès maintenant. Une nouvelle heure du grand quiz de l'été arrive. Vous appelez le 3210, mais pour l'instant vous écoutez la première radio de France, RTL, il est 10h. Les infos avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Avec d'abord un point sur les Jeux Olympiques de Rio. RTL Rio 2016. RTL de Brasil. 5 nouveaux podiums hier pour la délégation française. 2 médailles en judo, l'argent pour Audrey de Chemeo et le bronze pour Cyril Marais. Du bronze également pour l'aviron et pour le canoë biplace. Enfin du bronze encore en cyclisme sur piste. La France se classe 11e avec un total de 11 médailles. La 6e journée hier a également été marquée par le nouvel exploit du nageur américain Michael Phelps. 22e médaille d'or en finale du 400 mètres 4 nages. Aujourd'hui on suivra notamment le judo avec l'entrée en lice de l'octuple champion du monde, le français Teddy Riner. Et puis en natation, Florent Manaudou disputera la finale du 50 mètres nage libre. Et l'ombre du dopage plane toujours sur les Jeux Olympiques. On apprend à l'instant que l'athlète bulgare Sylvia Danekova est testée positive, est spécialiste du 3 km steeple. Elle est temporairement suspendue. On avait appris plus tôt que la nageuse chinoise Chen Xinyi a été contrôlée également positive. Elle avait terminé 4e à la finale du 100 mètres papillon féminin. Garde à vue prolongée après les incendies violents au nord de Marseille. Le suspect est toujours interrogé par les enquêteurs ce matin. On devrait savoir dans la journée s'il est différé ou libéré. Les incendies sont désormais maîtrisés au nord de Marseille, laissant place à un paysage désolé, plus de 3000 hectares de collines calcinées et d'habitations noircies. Autre incendie hier dans les Pyrénées-Orientales. Le feu a été fixé dans la nuit. 1100 hectares sont partis en fumée. Journée cruciale pour Jacqueline Sauvage. Ce vendredi, 7 mois après la grâce partielle accordée par François Hollande, la justice justice doit se prononcer aujourd'hui sur sa libération conditionnelle. Jacqueline Sauvage avait été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent. Elle est devenue le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Si vous prenez la route aujourd'hui, la circulation pourrait être chargée au bord de la Méditerranée. Bison futé hisse le drapeau orange. Ce sera vert sur le reste du pays. Attention, en revanche, demain, la journée est classée rouge pour les départs comme pour les retours. À l'étranger, une série d'explosions en Thaïlande. Au moins 4 personnes ont été tuées, notamment dans une station balnéaire. Les autorités locales privilégient la piste d'un sabotage visant à déstabiliser le pays. Le football, ce soir, reprise de la Ligue 1. Premier match Bastia-PSG. Les champions en titre se déplacent en Corse avec leur nouvel entraîneur et leur nouvelle attaque. Rencontre à suivre, bien sûr, sur RTL dans Soir de Ligue 1 à partir de 20h. L'autre rencontre de la soirée à partir de 20h30. Monaco recevra Guingamp. Les courses, elles ont lieu ce soir en nocturne à Cabourg. 16 partants. Les pronostics de Bernard Glace, le 8, le 6, le 5, le 4, le 9, le 15, le 13, le 11 et la dernière minute de Bernard, c'est le numéro 13, Vramdao. Votre météo pour ce vendredi après-midi, un ciel estival avec des températures en hausse, grand soleil sur quasiment tout le pays avec simplement quelques passages nuageux le long des frontières du Nord. Les températures entre 21 et 31 degrés, 21 à Cherbourg, 24 à Lille, 27 à Paris, 31 à Nîmes. Trois lettres, RTL, il est 10h, passé de bientôt 4 minutes. Votre matinée continue avec Bruno Guillon et Caroline Diamant, le grand quiz de l'été. Merci Alexandre de Saint-Aignan, 27 lettres. A-L-X-E-S. Vous savez quoi ? Le mieux, c'est qu'on vous retrouve tout à l'heure à 11h. À tout à l'heure. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Tous les jours, nous sommes ici avec grand plaisir, 9h15, 11h. C'est le grand quiz de l'été sur RTL. Tiens, permettez-moi de vous rappeler que pour la dernière de cet été, puisque à un moment, il va falloir parler de cette fin d'été. Pas peut-être aujourd'hui, au moment où vous profitez de vacances bien méritées, mais le 26 août, nous animerons avec Caroline notre dernière du grand quiz de l'été. Et rien que d'y penser, je suis déjà saisi de frissons. J'ai envie de pleurer, mais je m'accroche. Ah oui, je vois que vous prenez sur vous très fort. Je m'accroche car nous avons prévu une émission spéciale le 26 août. Tous les animateurs d'RTL, toutes les animatrices qui font le succès de cette radio, qui l'ont propulsée première radio de France, joueront avec les auditeurs d'RTL et tenteront de leur faire gagner des chèques de 1000 euros, mais également des séjours à Disneyland Paris. Émission spéciale que nous aurons plaisir à animer le 26 août prochain. Oui, je dis nous, car à mes côtés, il y aura toujours et encore la délicieuse Caroline Diamant. Vous la connaissez ? Oui. Je l'adore. Bon, ce matin, vous voulez jouer avec nous, vous appelez le 3210, c'est extrêmement simple, vous serez en direct sur l'antenne d'RTL. Vous pouvez également envoyer RTL par SMS au 74 900. Dans 5 minutes, nous vous donnerons le défi selfie du jour, mais pour l'instant, on joue. Et on va jouer avec Baptiste. Bonjour oui, Baptiste. Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Bienvenue sur RTL, Baptiste. Merci. Vous nous appelez de Chamonix-Mont-Blanc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et vous êtes chauffeur poids lourd, j'espère que vous n'êtes pas au volant de votre camion. Non, ce serait beaucoup trop dangereux. Ah, très bien. Non, parce que parfois nous en avons qui nous appellent pendant qu'ils conduisent. D'accord. Alors, nous avons un point commun, vous aimez le poker. Oui. En revanche, vous êtes allé au Mexique en solitaire lors de votre dernier voyage. Alors voilà donc la musique qui représente le Mexique. Bien sûr. Pour mon camarade Bruno Guillon, racontez-nous, vous vous êtes baladé un peu partout. Non, non, oui, il est resté à l'aéroport pendant 2 semaines, et puis après il a repris l'avion, puis il est rentré, comme tout le monde quand il est au Mexique. Excusez-moi, quand je suis allé au Mexique, je suis allé de l'aéroport à la plage, et 8 jours après je suis reparti de la plage à l'aéroport. Vous avez visité quels endroits magnifiques au Mexique, Baptiste? Ah, je suis arrivé du côté de Cancun, et puis alors je suis parti vers l'Atlantique. Et puis je suis revenu en passant par la capitale, Mexico des RFC. Mmh. Et puis alors j'ai terminé avec 5 jours sur la mer des Caraïbes. Ouais, vous j'ai parcouru 4800 km. Mais alors je vois que vous avez fait ça en solitaire. C'était oui. Genre un peu guide du routard en stop, etc. Ou vous aviez prévu un peu sur place à l'avance? Alors guide du routard, ça oui, mais pas en stop parce que c'est beaucoup trop dangereux là-bas dans le coin. Donc c'était principalement avec des bus locaux. D'accord. Est-ce que vous êtes revenu à deux? C'est ça la question. Non, je suis revenu tout seul. Voire à trois. Non, ça demandera beaucoup de rapidité. Ça va aller, Caroline? Oui. Vous me dites, hein, vraiment, hein, parce que vous savez qu'il reste une heure. Baptiste! Oui. Je vais vous poser des questions. C'est vous qui êtes le maître étalon de cette nouvelle heure. Il va falloir cumuler un maximum de bonnes réponses. Et ces questions, je vous les pose juste après ça. Les questions de l'histoire. Le rendez-vous incontournable de Stéphane Bern tout l'été sur RTL. Tout le monde sait que l'histoire n'a pas de secret pour Stéphane Bern. Passionnante, inattendue, il nous invite à découvrir les plus grandes énigmes historiques. Les questions de l'histoire. Découvrez-les cet été, du lundi au vendredi, à 7h20, 12h25 et 22h sur RTL. Edelweiss, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL, le grand quiz de l'été. Baptiste est de Chamonix. Baptiste est chauffeur et Baptiste va tenter de gagner un séjour à Disneyland Paris en répondant à mes questions. Baptiste, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Top chrono, c'est parti. Quel nom désigne un collectionneur de timbres-poste? Philatélie. Comment s'appelle la peste dans la petite maison de la prairie dans la prairie? Aucune idée. De quel club proche du scoutisme font partie Riri, Fifi et Loulou? Je passe. Avec qui David Bowie chantait-il Dancing in the Street en 1985? Sting. De quel jeu de balle britannique le baseball est-il dérivé? Le cricket. Quel inspecteur de police poursuit Jean Valjean dans Les Misérables? Je passe. Quel type d'outil est une égoïne? Une scie. En quelle année la carte vitale a été-t-elle mise en circulation? 1984. Qui présente l'émission Les 12 coups de midi sur TF1? Jean-Luc Reichmann. Dans quelle ville habitent les Bisontins? Béziers. Quel maréchal de France né en 1888 porte le nom d'un mois? Je passe. Dans la chanson de Pierre Bachelet, qui l'a-t-il au nord? Les corons. Bah oui, au nord. On parlait tout à l'heure de football dans le nord de la France, que ce soit à Lille ou à Lens. Et je peux vous dire que quand cette chanson est entonnée dans le stade... Ah bon, je c'est la pas chair que de poule, si si bien sûr. Parce que je croyais que c'était stade que des chansons très entraînantes Félix qu'on mettait dans les stades. Ben ça dépend. Non mais là c'est parce que ça touche vraiment la population. C'est magnifique. D'ailleurs je crois, je pense qu'on le voit dans Bienvenue chez les Ch'tis. Il y a un passage, me semble-t-il, mais c'est à vérifier. Bon, ce qu'on va vérifier, Baptiste, ce sont vos différentes réponses et on va le faire avec Caroline. La peste dans la petite maison dans la prairie, elle s'appelle Nelly, elle est blonde, c'est la petite fille gâtée qui embête tout le monde. Le club de scoutisme dont font partie Riri, Fifi et Loulou, ce sont les Castors Juniors. David Bowie chantait Dancing in the Street en 1985, non pas avec Sting, mais avec Mick Jagger. Reprise, Dancing in the Street. L'inspecteur de police qui poursuit Jean Valjean dans Les Misérables, c'est Javert. Bravo pour avoir su que l'égoïne est une scie. Moi, j'ai découvert personnellement quand Bruno vous a posé la question, j'avoue. La carte vitale a été mise en circulation en 1998. Les habitants de Besançon sont les Byzantins. Les habitants de Béziers s'appellent les Biterrois. C'est à eux que vous faisiez référence. Le maréchal de France, qui est né en 1988 et qui porte le nom d'un mois, c'est le maréchal Juin. Très beau mois d'ailleurs. Bon, cher Baptiste, je disais, oui, Dancing in the Street, c'est une reprise des années 60 d'un groupe qui s'appelait Martha and the Vandellas. J'ai l'intégrale à la maison aussi. Et je voudrais saluer ici le virtuose réalisateur de cette émission, François Touchard, puisque sans nous être consultés, j'avais le nom du groupe original et il avait calé le titre. Nous nous paxerons à la fin de cet été pour une cérémonie qui sera peut-être ouverte au public, on vous tiendra au courant. D'accord. Bon, alors Baptiste, vous avez le premier score de l'heure, c'est le score à battre, et ce score, c'est 5 bonnes réponses. D'accord. Et c'est pas mal, 5 bonnes réponses. Pas mal. Maintenant, on va essayer de faire le dancing on the Main Street. Très bien, oui. Danser dans la rue principale de Disneyland Paris qui s'appelle Main Street. Vous l'avez bien signalé. On verra ça tout à l'heure en 11h. En tout cas, là, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est vous offrir une montre RTL. D'accord, Baptiste ? D'accord, merci beaucoup. Rendez-vous peut-être à tout à l'heure. On vous embrasse. Je l'espère. Oui. Bisous. Il y a un défi selfie ce matin. Mais quel est donc ce défi ? Nous allons vous l'exposer dans quelques minutes et vous allez pouvoir jouer sur les réseaux sociaux grâce au hashtag RTL Quiz. Mais pour l'instant, Marcia Baila, Rita Mitsuko. Quand tu ris, je ris aussi. Ah, peut-être faites-moi signe quand vous ouvrez le micro que je ne me ridiculise pas en chantant. Rita Mitsuko, Marcia Baila à l'instant sur RTL. Bon, défi selfie de ce matin. J'ai envie que nous le lancions maintenant, chère Caroline. Défi selfie, c'est l'occasion pour vous de jouer avec nous ici en direct sur l'antenne d'RTL, sans passer par le standard, sans passer par les SMS. Il va falloir prendre une photo. Et alors, nous sommes arrivés à un constat ce matin, puisque vous savez que ici dans ce studio, il y a beaucoup de vie. Et la première chose que nous avons regardée en nous croisant ce matin, ce sont nos pieds. Puisque nous nous sommes rendus compte ce matin que nous étions trois dans ce studio à avoir des Converse aux pieds. Et donc, ouais, on s'est dit, tiens, on va prendre une photo, voilà, de basket. Et bien, on va faire un défi chaussures. Chaussures, généralité de la chaussure. Oui, parce que je me sens un peu exclu, vu que moi, je n'ai pas de Converse aux pieds. Donc, je voudrais que la France entière se sente le droit de jouer, bien et sûr, de faire ce défi selfie. C'est le pied du défi selfie de ce matin. Petite photo que vous postez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou encore Instagram, avec le hashtag RTL Quiz, un seul Z à Quiz. Nous vous sélectionnons, nous vous appelons et vous serez en direct sur l'antenne d'RTL pour jouer avec nous au grand quiz de l'été. RTL. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un rôti de bœuf 2 étoiles Origine France, le deuxième est gratuit. Oui, oui, vous avez bien entendu, le deuxième rôti est gratuit. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine rôti 2 étoiles. La gratuité s'applique sur le produit le moins cher des deux. Vous êtes sur la route des vacances. C'est long, la route des vacances. À l'arrière, les enfants dorment. Du coup, c'est le moment d'en profiter. Les enfants, ça vous dirait qu'on passe chez McDo ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on prend un menu et un Happy Meal, McDo nous offre un DVD et sa copie digitale. Ça vous va si c'est moi qui choisis le film ? Pas de réponse, je prends ça pour un oui. Offre valable pour l'achat simultané d'un menu best-of ou maxi-best-of ou menu salade ou McFirst et d'un menu Happy Meal. Choix du titre DVD parmi 5 titres selon disponibilité en restaurant. Voir conditions sur mcdonalds.fr. Durée limitée. RTL, le grand quiz de l'été. Marie-Flore s'est inscrite par SMS. Elle a envoyé RTL au 74 900. Bien lui en a pris, car nous l'accueillons maintenant en direct sur RTL. Bonjour Marie-Flore. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Marie-Flore, bienvenue. Marie-Flore, je vois que vous êtes professeure de musique. Oui. Alors, cela veut-il dire que vous pratiquez un, voire plusieurs instruments ? Alors, dans le cadre de mon travail, je pratique le piano, mais pour moi-même, je pratique le cornet à piston. Ah, magnifique! Et donc, vous donnez des cours dans des lycées ou alors vous êtes professeur dans une institution particulière ? Au collège. Au collège, d'accord, très bien. Marie-Flore, je pratique moi-même un peu le piano. Je peux vous faire un petit extrait si vous voulez, puisque nous avons toujours un piano dans ce studio. Depuis une seconde. Un peu de concentration. 3, 4. Et il le fait avec les pieds en plus. Celle-là est toute l'originalité. Marie-Flore, y a un certain décalage entre votre métier et votre passion et un autre hobby que vous adorez, le rugby. Tout à fait. C'est rigolo. Mais c'est comme ça, j'ai toujours aimé. Mon papa m'a emmené au stade dès toute petite et ça a mordu. D'accord. Dernière vacances, c'était où ? En Corse. Marie-Flore, c'est Caroline qui va vous poser des questions. Une minute de questions. 10 bonnes réponses d'affilée, vous repartez avec 1000 euros. Il faut battre le score de Baptiste, qui est de 5, pour rester dans la course pour le séjour à Disneyland Paris. Marie-Flore, je sais que je me répète, mais c'est important. Si, je ne dirais pas, vous ne savez pas, parce que je sais que bien souvent, vous avez les bonnes réponses. Mais il y a le stress que procure ce chronomètre. Et le stress, bah, il fait oublier. Donc si vous voyez que ça ne vient pas tout de suite, que ça n'est pas immédiat, Marie-Flore, permettez-moi de vous conseiller de passer pour passer à une autre question dont la réponse sera peut-être plus immédiate. D'accord ? D'accord, très bien. Marie-Flore, top chrono, c'est parti. Quel est le fruit de l'arachide ? Le tournesol. Quel nom démoniaque porte le chat dans Cendrillon ? Méphistophélès. Quel instrument d'écolier a la forme d'un triangle rectangle ? Une équerre. Quel os en forme de S va du sternum à l'omoplate ? Passe. De quel groupe de hard rock Steven Tyler est-il le chanteur ? Passe. Quel sport a valu à Christophe Dominici plus de 50 sélections en équipe de France? Traditionnellement, quel alcool parfume le cannelé bordelais? L'Armagnac. Dans la série Hélène et les garçons, comment était surnommé Christian? Cri-cri d'amour. Combien y a-t-il de grammes dans un quintal? 1000. À quelle famille d'instruments appartient le piano? Les instruments à cordes. Que signifie le C dans le sigle CSG? Contribution. Quelle est l'unité de mesure d'intensité du courant électrique? Le watt. Non, c'est l'ampère. L'ampère, ah. Bon, on va revenir sur vos différentes réponses, Marie-Flore, si vous le voulez bien. Le fruit de l'arachide, ce n'est pas le tournesol. La micaouette me fait la tête. Mais c'est la... cacahuète. Exactement, merci Serge Gainsbourg. Quel nom démoniaque porte le chat dans Cendrillon? Vous m'avez dit Méphistophélès. C'est Lucifer, le chat dans Cendrillon. Marie-Flore, vous êtes toujours là? Je suis toujours là, je vous écoute attentivement. Eh bien, vous faites bien. L'équerre, c'était une bonne réponse. L'os en forme de S qui va du sternum à l'omoplate, c'est la clavicule. Un groupe de hard rock dont Steven Tyler est le chanteur. Il s'agit du groupe Aerosmith. Oui. Générique du film Armageddon. Avec Liv Tyler, justement, qui joue dans le film, qui est en train de toucher l'écran de télévision où sont transmises les images de ce vaisseau spatial qui va tenter de sauver la planète. Et elle risque de perdre son papa incarné par Bruce Willis. Voilà, je vois que ça n'intéresse personne. La suite. Le rugby, eh bien, le sport où œuvrait Christophe Dominici, c'est du rhum que l'on met dans le cannelé bordelais et non pas de l'armagnac. Un quintal, c'est 100 000 grammes, d'accord. Et pour le reste, vous étiez très bien. Vous avez même reconnu Cri-cri d'amour dans la série Hélène et les garçons. 3, 2, 1, 0. Je ne suis pas en retard, perdu, messieurs. À une seconde près. Eh ouais. J'ai triché. J'étais derrière la porte. Je voulais vous donner une fausse joie. Hein? C'était Sébastien Roch, c'est ça, qui jouait le rôle de Cri-cri d'amour. Hein, ou Christophe Ripper. Hein. C'était Christophe Ripper. Bon. Ah non, on me dit non. Oh, attention. Attention, parce que là, il y a un débat dans ce studio sur Hélène et les garçons. Et je peux vous dire que là, dans ces cas-là, je peux faire intervenir la rédaction d'RTL. Attention, on peut faire un flash spécial. Bon. Chère Marie-Flore. Oui. Il fallait à minima 5 bonnes réponses pour être dans la course pour le séjour à Disney. Avez-vous ces 5 bonnes réponses? La réponse est oui. Vous avez 5 bonnes réponses tout pile. Marie-Flore, vous êtes à égalité. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas mieux avant 11h du matin, il faudra vous départager avec Baptiste. En tout cas, ce qui est sûr là maintenant tout de suite, c'est qu'avec Caroline, nous avons le plaisir de vous offrir une montre RTL. D'accord, Marie-Flore? Merci beaucoup. Eh ben de rien. Merci. On vous embrasse. Eh ben moi également, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben peut-être à tout à l'heure. On vous embrasse. Peut-être. Défi selfie, défi chaussures. Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais c'est le défi de ce matin. Vous prenez vos chaussures en photo, vous les postez avec le mot dièse, le hashtag RTL Quiz, un seul Z à Quiz, et vous pouvez être sélectionné pour jouer avec nous. Ici, c'est le grand quiz de l'été sur RTL. A tout de suite. RTL, Miguel de Rennes, le 5 à 7. Bonjour, c'est Miguel de Rennes. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour le 5 à 7 sur RTL. Mon but, ensoleiller votre été. En vous couvrant de cadeaux, par exemple. Pour ça, il suffira de jouer à la bonne année. Je vous ferai aussi voyager dans le temps avec les plus grands tubes de l'été. Et je vous emmènerai faire le tour de France des fêtes où on peut s'amuser. Bref, on va pas se prendre le chou. Et je vais tout faire pour vous donner la patate et la banane. Ah tiens, ça vous fait déjà 3 fruits et légumes par jour. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron ? Oh, sombre nouvelle à l'horizon. Oh, tu me fais la météo ? Ah mais non, patron, mais comprenez-moi. Aujourd'hui et demain, le concombre est à 59 centimes chez Lidl. Quoi ? 59 concombres le centime ? Mais non, patron, 59 centimes le concombre. En plus, ils font les deux à 1,10€ et les trois à 1,50€. 1,50€ les trois. Ah, ça c'est le pompombre. Je suis consterné. Je compatis, patron. Hein. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr.

Ah oui. Bah, j'espère. Et j'espère les huîtres. Et des cannelés, on en parlait tout à l'heure. Ah, surtout que je suis fan de cannelés en plus. Ah oui, des petits cannelés, je dois avouer que. Ouais, c'est, c'est la marque des cannelés qui est très connue, c'est Bayarguet, je crois, de mémoire. Je ne suis pas très doué en cannelés. Ça commence par Bayard. Moi, de toute façon, comme RTL et rue Bayard, tous les mots qui commencent par Bayard, je m'en souviens. Après, c'est la fin. Non, je suis incollable hein, sur les cannelés. Hein, d'accord, très bien. Mais écoutez, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions sur les cannelés. On en a eu une aujourd'hui. Oui, c'est vrai. À mon avis, ce sera la seule de cet été. Mais voilà, je ne pense pas que ça va se reproduire. Vous êtes un grand fan de tennis. Oui, tout à fait. Ouais. Vous pratique en club depuis une bonne dizaine d'années. Vous êtes classé ? Oui, oui, je suis classé 15-5. Pas mal. Et ouais, c'est pas mal. Et je suis fan de Roger Federer également. Oh là là, je vous comprends. Moi aussi, je trouve qu'il a une élégance incroyable. J'adore, je le trouve intelligent. En plus d'être un joueur merveilleux, vraiment, je suis fan de Roger Federer. C'était pas une vanne parce que les gens savent que je suis pas une grande sportive. Mais là, vraiment, je partage ça avec vous. Voyage en Andalousie en août dernier. Ouais, alors, tout à fait. Là, on parle de 2015. 2015, oui, l'année dernière, exactement. D'accord. Eh bien, écoutez, maintenant qu'on sait tout de vous, ou presque. Il vous reste à battre 5 bonnes réponses parce que les deux candidats qui vous ont précédé ont donné 5 bonnes réponses. D'accord. Et Bruno va vous poser des questions. Et alors, 5, ça vous ferait. Vous seriez le 3e ex aequo. Mais avec 6, tout le monde serait d'accord, vous seriez au-dessus. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je vous laisse entre les mains de Bruno, douces et caressantes. J'ai l'impression que vous dévoilez un peu trop de notre intimité à l'antenne, Caroline. Ça devait rester entre nous. Oui, bon. Mais ça donne un petit fou rire à Alexandre, ça va le détendre. Alexandre, une minute de question, top chrono, c'est parti. Dans le dîner, que veut commander Benabar caché sous les draps ? Une pizza. Dans quel pays sont immatriculées les voitures portant la lettre L ? Luxembourg. Quelle partie du corps plume-t-on en premier dans la chanson Alouette ? La tête. Quel tube cylindrique reçoit le culot d'une ampoule électrique ? Passe. Qui était le présentateur de l'Académie des Neufs entre 1992 et... Dans notre calendrier, combien y a-t-il de mois commençant par la lettre A ? Un seul. À quel instrument de musique le dieu Pan a-t-il laissé son nom ? Le quoi, excusez-moi ? À quel instrument de musique le dieu Pan a-t-il laissé son nom ? La flûte. Selon Lio, quel dessert sert d'abominable homme des neiges ? Banana split. Quel comédien a incarné le détective Ace Ventura à deux reprises au cinéma ? Jim Carrey. Avec quel type de pâte un pâtissier prépare-t-il ses Paris-Brest ? La pâte à choux. Quel élément chimique est symbolisé par la lettre F ? Le fer. Non, le fluor. Et alors, rapidement, je reviens sur une petite erreur. Qui était le présentateur de l'Académie des Neufs ? J'allais dire entre 92 et 87. C'est le contraire, c'est entre 87 et 92. Oui, mais on peut aller en arrière aussi si on a la machine à remonter le temps. T'as vu comme je suis sympa ? J'aurais pu dire que c'était les rédacteurs de l'émission qui avaient fait à faute. Je la prends sur moi. Oui. Ah bah non, bah du coup, je l'ai dit alors. Non, c'est bien. Puis on aime bien les fouetter un peu après. C'est vrai. Bon, allez, on revient sur vos différentes réponses, Alexandre, avec Caroline. Oui, c'est une pizza que commande Benabar cachée sous les draps, mais on va l'écouter le dire. On s'en fout, on n'y va pas, on a casse cachée sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse. La partie du corps qu'on plume en premier dans la chanson Alouette, c'est la tête. Alors, le culot d'une ampoule électrique, eh bien, on l'installe sur la douille. Oui. Voilà, bon, c'est pas grave. Jean-Pierre Foucault, vous avez trouvé. Alors, dans les mois qui commencent par la lettre A, vous en avez mis un dans l'année. Je sais pas lequel, mais je vais vous en rajouter. Ouais, j'ai mis avril, j'ai juste oublié le mois d'août. Voilà, le mois d'août, pourtant qui correspond souvent aux vacances. Bah, et le mois d'octobre aussi. Bah non, mais on l'a oublié, le mois d'octobre, c'est important, non ? Oui, oui, oui. Faut pas les contrarier dans ces cas-là. Et le mois d'avant. Faut être très sage. Oui, oui, c'est aussi, c'est très bien. Et on va appeler discrètement le 15 et le 18 derrière. L'instrument, la flûte de Pan. Vous avez trouvé, mais c'est néanmoins joli d'en réécouter un petit peu. Hé, hey, gringo. Il est à toi, ce café ? Excusez-nous, ça m'a un peu perdu Bruno depuis le début de l'émission. Alors, Lio. Lio chantait Banana Split. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges. L'abominable enfant qui n'est qu'un amour de dessert. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges. Jim Carrey incarna le détective Ace Ventura. Eh ben, écoutons-le. C'est ça, votre consulat ? Oh, Dieu soit loué ! Il reste encore une dernière petite place. Il n'est peut-être pas nécessaire que vous vouliez aussi. Vite ! Silence, répare le parachute. Utilisez vos freins ! Non, sans deck, attention ! C'est marrant, mais Ace Ventura sans l'image, c'est plus du tout le même truc. Hein. Bon, Alexandre. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. C'est même très bien, Alexandre. Oui, bonne réponse. Vous venez en un questionnaire de balayer les espoirs de Baptiste et de Marie-Flore qui ont joué avec nous en début d'heure et qui, avec leurs 5 bonnes réponses, espéraient prétendre au séjour à Disneyland Paris. Bah là, pour l'instant, vous êtes en tête. Je dis pour l'instant, Alexandre, car il reste encore une vingtaine de minutes dans cette émission et qu'il y aura donc d'autres candidats qui ne manqueront pas d'essayer de vous battre, Alexandre. Donc, dans un premier temps, dans un premier temps, on va vous offrir une montre RTL et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bah super, merci à vous deux en tout cas. Merci à vous. Petite douceur d'avant-week-end. Elle est magnifique. Souvenez-vous de ce titre signé Nathalie Imbruglia. C'est Thorn et c'est tout de suite sur RTL. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many. See? de mémoire, je crois qu'elle a été également égérie d'une marque de cosmétiques extrêmement connue. Nathalie Imbruglia, à l'instant. Sur RTL, c'était Thorn. Mes chers compatriotes, Carole Gessler sur RTL. Qui ne s'est pas dit un jour, moi président, je ferai ceci ou cela? Eh bien, dans Mes chers compatriotes, mon invité endosse pendant une heure l'habit présidentiel, son programme, ses idées, son équipe, son gouvernement. Tous nos invités ont accepté de jouer le jeu et leurs propositions sont parfois étonnantes. Alors rendez-vous demain, 11h, sur RTL. Chérie, devine où on part en vacances? En Bretagne? Non. En Corse? Non plus. On part... Finito, vite! C'est l'alerte discount! Aujourd'hui, les 4 pavés de viande bovine 3 étoiles à griller Origine France sont à 8,79€ le kilo chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. 520 grammes environ. Le grand quiz de l'été. Sur RTL. Grand quiz de l'été, tous les jours, 9h15, 11h, c'est votre rendez-vous estival. Tout l'été sur RTL, sur les réseaux sociaux avec la page Facebook, le grand quiz de l'été. Il y a Twitter, il y a Instagram, et c'est par le biais des réseaux sociaux que nous vous avions lancé le petit défi du matin, défi selfie, qui consistait à prendre une photo de pied. Voilà, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu dans l'équipe que nous étions 3 membres de l'équipe à avoir une paire de Converse au pied. On a pris une photo de pied, on s'est dit tiens, on va demander la même chose aux auditeurs d'RTL. Merci de vos nombreuses réponses et de vos nombreuses photos. Mais à la fin, il ne peut y avoir qu'un candidat, et en l'occurrence une candidate. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Bah écoutez, je suis... Bonjour Caroline, bonjour Bruno. Je suis surprise. J'ai le cœur qui bat très très très très fort parce que je suis surprise d'être avec vous. Bah et c'est votre pied qui a été sélectionné en oui, premier. Oui, c'est mon pied. Bah écoutez, je sortais d'un magasin, j'étais dans ma voiture et j'écoutais RTL et donc j'ai posé mon pied devant l'autoradio. Voilà avec ce commentaire, même mes pieds écoutent RTL en voiture de surcroît. Bon, rassurez-moi, vous étiez à l'arrêt. J'étais à la réunion. Oui, parce que si elle conduit le pied en l'air comme ça, même si le pied est joliment manucuré, il faut le dire. Catherine, où ouais. habitez-vous? Dites-moi tout. J'habite à Puy-le-Borough. Non, près de la Rochelle. Bah, bien sûr. Oui, oui. Charente-Maritime. Oui, non, mais Caroline, oui. C'est normal, c'est chez moi, donc ah, oui, je oui, connais. Oui. Évidemment. D'accord. Tiens, à ce propos, demain soir, sur France 2. Fort Boyard. Voilà. Alors, je ne le dis pas parce que je participe à l'émission demain soir, mais nous avons reçu un texto extrêmement sympathique, Caroline et moi, d'un ami en commun qui s'appelle Vincent Dedienne, qui est comédien et humoriste et qui sera dans mon équipe demain à Fort Boyard. Donc on l'embrasse, il est en vacances dans l'île de Ré. Voilà. On l'embrasse très fort. Donc voilà, bon, demain soir. Bah alors, je vais regarder. Ce soir, je peux pas parce que il y a La Rochette qui joue. Mais il n'y a pas de souci, c'est demain. Ah oui, regardez demain parce qu'il paraît que les petits cris poussés par Bruno sont absolument charmants. Petit extrait. Voilà. Ouais. On se demande. Très masculin. Bon, Catherine, que faites-vous dans la vie du côté de La Rochelle? Eh ben, je suis professeure des écoles. Hein. Très bien. Donc en vacances. Hein. Eh ben, vous avez une magnifique région. Voilà. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'après, on va me dire que je fais de favoritisme touristique. Mais bon, voilà, la région est magnifique. Ouais, Catherine. Tout à fait. Oui. Caroline va vous poser des questions pendant une minute. Oui. Alors. J'avoue que Alexandre, qui a joué avec nous tout à l'heure, a placé la barre assez haute puisqu'il a donné 8 bonnes réponses. Cela veut dire, Catherine, que pour tenter de gagner le séjour à Disneyland Paris, puisque c'est de cela dont il s'agit, il va falloir donner à minima 8 bonnes réponses également. Si vous faites plus, bah, ça sentira plus que bon. Et si vous avez 10 bonnes réponses données d'affilée, de surcroît, nous vous offrirons un chèque de 1000 euros. D'accord, Catherine? D'accord. Vous êtes prête? Bah non, faut pas me déconcentrer. Oui, c'est pas cool de la faire rire avec votre cri ridicule. Attention, Catherine, top chrono, c'est parti. Quel sport olympique compte parmi ses disciplines le cheval d'arçon? La gymnastique. En 2001, quelle Spice Girl cartonne en reprenant It's Raining Men? La blonde Sherry Halliwell. Que signifie la lettre C dans le sigle QCM? Question à choix. De qui Marilyn Monroe est-elle amoureuse dans Certains l'aime chaud? Je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus. Combien de cornes le rhinocéros d'Afrique porte-t-il? Deux. Quelle super-héroïne a été interprétée par Linda Carter dans les années 70? Wonder Woman, je sais pas. Quel adjectif qualifie le petit diable de la comtesse de Ségur? Passe. Quel arbre typique de l'Afrique tropicale est l'emblème du Sénégal? Bonsaï. Non, pas le bonsaï, le baobab. Et je c'est vous compte le baobab. Oh, le bonsaï. Je le voyais. Ah oh, non, c'est une catastrophe. J'ai... Mais non, non, non, c'est, non, non. C'est pas une catastrophe. On va revenir sur vos réponses. Le sport olympique, oui, c'est la gymnastique, où l'on retrouve le cheval d'arçon. 2001, la Spice Girl, qui a cartonné en reprenant ce titre des Weather Girls. Oui, vous l'avez trouvé, vous avez attendu un petit peu, mais It's Raining Men, c'était bien Jerry Halliwell. It's raining men. De qui Marilyn Monroe est-elle amoureuse dans certains Lame Show? C'est un acteur. Ouais, Tony. Tony. Ah non. Tony ah, Curtis. Non. Eh bien, nous ah, voilà. Ah si, Tony Curtis. C'est l'agence Polyakov qui vous envoie? Oui, nous sommes les nouvelles. Toutes fraîches. Voici notre régisseur, Monsieur Binstar. Très heureux. Et c'est moi, Sweet Sue. Je m'appelle Joséphine. Et moi, Daphné. Mm-hmm. Ouais, Tony Curtis qui est grimé en femme dans certains Lame Show. Ouais, et Jack ouais, Lemmon. Et ouais. Jack Lemmon, exactement. Le rhinocéros d'Afrique a bien deux cornes. La super-héroïne interprétée par Linda Carter dans les années 70. Oui! C'était Wonder Woman! Qui tournait sur elle-même. Elle tournait. Elle est un peu malade quand même, mais sinon elle se transforme. Une ex-Miss Univers. C'est vrai. Le bon petit diable de la comtesse de Ségur, c'était l'adjectif bon qu'il fallait bon. Retrouver. Ouais. Et le baobab, vous l'avez eu sur le fil, puis au départ c'était oui, bonsaï. Bon, non, on Catherine. On n'a pas le droit de rire. Ouais. Non, on ne rit pas. Non, non. Catherine. Tant que vous ne gaffez pas avec votre époux. Oui. Il faut avoir à minima 8 bonnes réponses pour gagner le séjour à Disney. Ça va être un peu juste. Ben oui. 6 bonnes réponses, Catherine. Bon, ça va. On parlait d'olympisme tout à l'heure avec la gymnastique. La devise, l'important, c'est de participer. Vous l'avez fait. Et en plus, Catherine, nous vous offrons une montre RTL. Eh bien, ça sera ma première. Première fois que je participe à un jeu, que j'ai la chance de pouvoir participer. Je suis contente quand même. C'est bon. Parfait. Eh bien, grâce à votre pied. Eh bien, écoutez, Catherine, on vous embrasse. Merci beaucoup et merci encore. Allez, au revoir. Au revoir. Vous écoutez RTL. Il est 10h51. Instantané RTL. On vient d'apprendre que la demande de libération conditionnelle de Jacqueline Sauvage vient d'être rejetée. Annonce de la procureure au tribunal d'application des peines de Melun en Seine-et-Marne. Cette femme qui était devenue le symbole des violences conjugales, elle va faire appel. Jacqueline Sauvage avait été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent 7 mois après la grâce partielle accordée par François Hollande. Plus d'informations dans le flash de 11h. Le bon plan de l'été chez But. Pour ce week-end prolongé du 15 août, But vous offre moins 15% supplémentaire sur votre produit préféré en gros électroménagers, meubles et déco. Oui, moins 15%. Ah oui, quand même. But, c'est nous. Voir conditions en magasin et sur but.fr. Pour poser la clôture de leur nouvelle maison, Audrey et Arnaud ont eu deux idées. Profiter du mois d'août pour le faire et bénéficier des promos Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 10 au 21 août, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15€ par tranche de 100€ d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15€ par tranche de 100€, magasin participant sur bricomarché.com. RTL. Les aventuriers de l'inconnu. Jacques Pradel, Henri Gougaud. Rêves prémonitoires, fantômes, guérisons inexpliquées. Nous vous amenons chaque jour dans les départements et territoires de l'étrange avec des contes et des légendes qui nourrissent le réel. Les aventuriers de l'inconnu, 14h-15h sur RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Moi, je dis que nous avons encore le temps de jouer. Vous appelez le 3210 pour le grand quiz de l'été. Le temps d'écouter D.N.C.E. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. Living dangerously. À l'instant sur RTL. Le grand quiz de l'été. Sur RTL. Et on joue tout de suite avec Julia. Bonjour Julia. Bonjour Caroline. Bonjour Julia, bienvenue sur RTL. Bonjour Bruno, ça va ? Ça va très bien, ravi de vous accueillir. Vous êtes parisienne ? Tout à fait, complètement parisienne. Ah ben ça fait du bien. À 100%. Ah ça voilà. Fait plaisir à Caroline. Ben oui, parce que chaque fois vous parlez de magnifiques régions de France. Et je suis née à Paris, alors je me sens un petit peu triste par rapport à vous qui parlez de vos régions sublimes. Bon, Paris est une belle ville, mais c'est vrai qu'à force d'y vivre et d'y être née, on la voit moins. En tout cas, ma chère Julia, vous avez bien fait de nous appeler. Vous savez ce qu'il y a à gagner et vous savez qu'il va falloir battre 8 bonnes réponses pour soit pour égaler et avoir une chance de gagner le séjour, et si vous avez 9, vu qu'il est déjà presque 11h, le séjour sera à vous. Je vous laisse entre les mains de Bruno. Attention, nous sommes partis, top chrono. Quel est le nom du sorcier dans les Schtroumpfs ? Gargamel. Comment s'appelle un médecin spécialiste des maladies de la peau ? Un dermatologue. Qui incarne le guignolo devant les caméras de Georges Lautner en 80 ? Belmondo. Quelle forme d'improvisation vocale utilise des onomatopées plutôt que des paroles ? Je sais pas. Quel peuple du nord de l'Europe utilisait les bateaux appelés Drakkar ? Les Vikings. Comment s'appelle ce fameux détective belge, héros de toute une série d'intrigues signée Agatha Christie ? J'ai un vide, hein. Je sais pas. Quelle chanteuse est l'absente des nuits de Laurent Voulzy ? En Amérique du Sud, quel est le nom d'une vaste plaine herbeuse ? Patagonie. Qui a écrit le roman David Copperfield ? Dickens. Qu'est-ce qui peut être à la fois une charcuterie et un agent des forces de l'ordre ? Un jambon. Non, un gendarme. J'étais pas loin. Et nous saluons les forces de l'ordre qui écoutent RTL. Bon, allez, chère Julia, quelques réponses là sur lesquelles on va revenir avec Caroline. Alors, vous avez tout de suite identifié Jean-Paul Belmondo. En plus, vous êtes fan, alors on l'écoute. Il ne s'agissait pas de choisir entre la médaille et l'oseille, mais entre la médaille et la tôle. Moi, je vous aurais foutu dedans. À perpète, en haute surveillance. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. L'improvisation vocale qui utilise des onomatopées s'appelle le scat. Ah, oui. Le héros d'Agatha Christie, c'est Hercule Poirot, c'est mon chéri. Ah, bah bien sûr. Bah oui. Et alors, vous bien étiez sûr. Presque dans la chanson de Laurent Voulzy, c'était pas Kim Carnes, c'était Kim Wilde. Ah, Kim Wilde. C'était Kim. Bah, j'ai une moitié de réponse. Oui, ça sera pas suffisant. Nous ne donnons pas de demi-point, désolé. Bon, Julia, il vous fallait obtenir un minima 8 bonnes réponses. Hélas, vous n'en avez que 5. Mais nous vous offrons une montre RTL. Super sympa, je vous remercie beaucoup, beaucoup. On vous embrasse, Julia. Merci. Et nous réaccueillons Alexandre. Alexandre! Alexandre d'Olivet à côté d'Orléans. Alexandre, Disneyland Paris. Bravo, on vous applaudit. Bravo Alexandre. Super, c'est génial. Séjour pour 4 personnes. Vous serez logé à l'hôtel Sequoia Lodge. On s'occupe des déjeuners, de l'accès illimité pour les deux parcs, Walt Disney Studios et Disneyland Paris. C'est super. Et vous ferez la fête avec les personnages de la Reine des Neiges. D'accord Alexandre? Ouais, c'est génial. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci RTL. On vous embrasse. Merci Profitez beaucoup. Profitez bien. Bon, alors, je sais qu'il y aura beaucoup de monde sur les routes ce week-end. Il y a des gens qui reviennent de vacances, il y en a qui partent en vacances, il y en a qui profitent d'un week-end prolongé. Sachez que ça ne sera pas notre cas, puisque lundi, nous serons là et en direct, même si c'est le 15 août, avec Caroline. Je vous souhaite un bon week-end, Caroline. Je vous souhaite un bon week-end à vous, Bruno, et à tous nos auditeurs. Vous écoutez RTL, il est 11h. Les infos avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL vous l'annonçait il y a quelques minutes, la demande de libération de Jacqueline Sauvage a été rejetée, Cindy Hubert. Oui, Jacqueline Sauvage va rester au centre de détention à Réau en Seine-et-Marne. Le juge a décidé que toutes les conditions de sa libération conditionnelle n'étaient pas réunies et pourtant la quasi-totalité des experts qui avaient été évalués la détenue avaient émis un avis favorable. Des psychologues, des médecins, des surveillants pénitentiaires, des travailleurs sociaux, tous à une exception, celui d'une commission interdisciplinaire composée d'un magistrat, d'un avocat, d'un représentant de la préfecture et d'une association de victimes. Mais cet avis n'était que consultatif. Le juge n'était pas tenu de le suivre. Très vite, le parquet et les avocats de Jacqueline Sauvage devraient faire appel et, si nécessaire, devraient présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle. Merci pour vos précisions, Cindy Hubert. Une très légère baisse pour le nombre de morts sur la route au mois de juillet, moins 0,3% par rapport à juillet 2015, selon la sécurité routière. Le chiffre reste cependant en hausse pour les 7 premiers mois de l'année, et plus 1,5% par rapport à l'an dernier. Et soyez bien prudents, si vous prenez la route pour ce week-end du 15 août, ce samedi est classé rouge par bison futé dans les deux sens. Et quelques bouchons prévus cet après-midi sur l'arc méditerranéen. Drapeau orange, c'est vert sur le reste du pays. Et si vous prenez le train pour Londres aujourd'hui, premier week-end de grève chez Eurostar. L'impact sur le trafic est minimal selon la direction. L'incendie désormais fixé dans les Pyrénées-Orientales. Plus de 1000 hectares ont été détruits. Hier, les feux sont également maîtrisés au nord de Marseille où un homme est toujours en garde à vue. Interpellé près d'un départ de feu, on devrait savoir dans la journée s'il est déféré devant le parquet ou libéré. François Hollande a promis hier, nous retrouverons les auteurs de ces incendies. Des nouvelles menaces contre Charlie Hebdo. Le Parisien révèle ce matin que l'hebdomadaire satirique va porter